devenir champion. Bonne chance et bravo, et viva Mexico. Depuis bien longtemps déjà, on attendait ce jour-là. Nos diables seront bientôt les vainqueurs à Mexico. Nos joueurs super entraînés s'en vont là-bas pour gagner. Alors pour ces grands champions, nous chantons cette chanson. Et viva Mexico, bonne chance et bravo. Notre équipe dynamique va partir au Mexique. Nos diables rouges y vont pour devenir champions. Bonne chance et bravo, et vive Mexico. Les diables rouges aujourd'hui sont la gloire du pays. Pour défendre nos couleurs, là-bas ils seront vainqueurs. Mais n'attendez pas demain pour entonner ce refrain. Et des Ardennes à la mer, on n'entend plus que cet air. Et vive Mexico, bonne chance et bravo. Notre équipe dynamique va partir au Mexique. Nos diables rouges y vont pour devenir champions. Bonne chance et bravo, et viva Mexico. Si la Belgique, on le dit, est un tout petit pays, pour le football, attention, on a de très grands champions. Les diables rouges demain vont gagner, ça c'est certain. Supporters, n'hésitez pas, chantez ce petit air-là. Et viva Mexico, bonne chance et bravo, notre équipe dynamique va partir au Mexique.